Et puis on essayait les violons, puis on essayait les violoncelles, les très beaux, mon père. Alors, en plus de ce que de la partie commerciale, de violon fait à la division, mon père avait un atelier où on faisait de très très belles copies d'anciens. Et mon père avait, je vais vous montrer une ou deux photos, il avait une très belle collection de violons, voilà.